tu mettras des heures à te démaquiller. Si ce n'est pas un leurre, saurais-je résister? Que mes désirs demeurent à vouloir t'espérer. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un bras et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Saurons-nous, nous les hommes, quels sont vos desseins? Quand vous gagnez le haut, qu'est la salle de bain? Nous, nous patientons comme lorsqu'on attend le train. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un bras et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. L'onguent et puis la crème et la lotion machin. Le lait, celui que j'aime, et l'huile de ma soin. Serait-ce un stratagème pour nous frustrer un brin? En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un brin et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Et puis le bain de siège, le massage facial, le vernis ou que sais-je, toi sur ton piédestal. Tu souris mais abrèges mon supplice animal. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un brin et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Faut que tu en rajoutes, artiste de l'amour. Être à l'heure te coûte et tu ne fais rien pour te disculper du doute quand j'entends tes détours. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un brin et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Enfin vient le miracle, mais je l'ai tant et tant fantasmé ce spectacle que j'ai perdu là-dedans. Si mon désir renacle, ma libido est sans. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un bras et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Ça s'éternise un bras et mon temps est gâché. En attendant les tiens, je prends ceux de Morphée. Demain ou à la Trinité, en attendant les tiens, j'ai pris ceux de Morphée.